Bonjour les amis, welcome to French Pod. I am Erica. Et je m'appelle Amaury. Bonjour à tous. We have an elementary lesson about spiders. Les araignées. Are you scared of les araignées? You know, I'm scared of spiders. I do. I think I'm gonna have fun with this one. Okay, so there's two people in a room. Yeah, and they've got different ways of solving a problem. The problem might involve, you know, les araignées. What's something they're gonna say? Elle est dégoûtante. It's disgusting. Can you say it again? Elle est dégoûtante. Elle est dégoûtante. All right, here's the dialogue three times. We'll be back after to translate. Dialogue, première écoute. Il y a une araignée dans la chambre. Tu l'as. Cette pauvre bête inoffensive. Jamais. Elle est dégoûtante. Écrase-la. Je ne vais pas tuer un être vivant. Je suis bouddhiste. Fais quelque chose. Bon, d'accord, je l'attrape et je la mets dehors. Dialogue, deuxième écoute. Il y a une araignée dans la chambre. Tu l'as. Cette pauvre bête inoffensive. Jamais. Elle est dégoûtante. Écrase-la. Je ne vais pas tuer un être vivant. Je suis bouddhiste. Fais quelque chose. Bon, d'accord, je l'attrape et je la mets dehors. Dialogue, troisième écoute. Il y a une araignée dans la chambre. Tu l'as. Cette pauvre bête inoffensive. Jamais. Elle est dégoûtante. Écrase-la. Je ne vais pas tuer un être vivant. Je suis bouddhiste. Fais quelque chose. Bon, d'accord, je l'attrape et je la mets dehors. Let's translate. Il y a une araignée dans la chambre. Tue-la. There's a spider in the room. Kill it. Il y a une araignée dans la chambre. Tue-la. There's a spider in the room. Kill it. Il y a une araignée dans la chambre. Tue-la. Cette pauvre petite bête inoffensive. Jamais. That poor little harmless creature, never. Cette pauvre petite bête inoffensive, jamais. This poor little harmless creature, never. Cette pauvre petite bête inoffensive, jamais. Elle est dégoûtante. Écrase-la. It's disgusting. Squash it. Elle est dégoûtante. Écrase-la. It's revolting. Smash it! Elle est dégoûtante! Écrase-la! Je ne vais pas tuer un être vivant. Je suis bouddhiste. I'm not going to kill a living being. I'm a Buddhist. Je ne vais pas tuer un être vivant. Je suis bouddhiste. I'm not going to kill a living being. I'm a Buddhist. Je ne vais pas tuer un être vivant. Je suis bouddhiste. Fais quelque chose. Do something! Fais quelque chose. Do something. Fais quelque chose. Bon, je l'attrape et je la mets dehors. Fine. I'll catch it and I'll put it outside. Bon, je l'attrape et je la mets dehors. Fine. I'll catch it and put it outside. Bon, je l'attrape et je la mets dehors. Okay, so they identify the problem. Mm-hmm. In the beginning, what they say? Il y a une araignée dans la chambre. Araignée, feminine, so une araignée. Right, yeah. Il y a une araignée, where? Dans la chambre. So, psh. Tue-la. That was your solution, right? Tue-la. Okay, tuer means to kill. Uh-huh. Tue-la is like the command. Uh-huh, yeah. So why is it la? Because as you said, araignée is feminine. Okay, so tu l'as. Yep, it's quick, efficient. Well, the guy doesn't really think so. Got a moral issue with this idea. Exactly, so he says, cette pauvre petite bête inoffensive. Now we got a lot of adjectives. Yeah. Let's start with first the noun, what is it? Bête. Which bête? Cette bête. Les araignées, they're not so big, so... Cette petite bête. Petite, because it's feminine. Still, yeah. The word petit or petite goes before the noun. That's right, yeah. He gives a little more detail. Ah. Cette pauvre petite bête. Pauvre means poor. Yeah. Now, sometimes it comes before and sometimes it comes after. Mm-hmm. In this case... Before, so it means... Like, you know, pitiable. Yeah. It inspires sympathy. Oh, cette pauvre... Uh-huh. Petite bête. Now, what if he said, cette bête pauvre? It wouldn't mean it's not rich. He has no money. Yeah, there's been no money. Yeah, it's une araignée without money. Uh-huh. Right? And the word bête literally means beast. Right, yeah. But it's a word we use for animal. Yeah, or creatures. Yeah, as well. Mm, so it could be insects, whatever. Mm-hmm. And he adds one more. Inoffensive. Harmless. Inoffensive. Yeah. And that goes after the noun. That's right, yeah. Cette pauvre petite bête inoffensive. Jamais! Never will I kill this. Never will I tuer cette pauvre petite bête mm-hmm. inoffensive. Does she agree of the status of cette bête? She says, elle est dégoûtante. That was our key phrase. Mm-hmm. Elle est dégoûtante. It's disgusting. It is sickening, dégoûtante, revolting, gross. Why is it elle est dégoûtante? Because araignée is feminine. So we say elle yeah. for it. Because elle est dégoûtante, what is the obvious course of action to take? Écrase-la. Écraser means like to squish, squash, smash. Yeah. Squish it. Écrase-la. Mm-hmm. Okay, so je ne vais pas tuer. We had uh-huh. tuer before. So what will he not kill? Un être vivant. Être is the verb to be, but it's also a noun, and it means a being, un être. Yeah, exactly. We are some êtres humains. Human beings. Mm-hmm. Here, living being, un être vivant. Why won't he do it? Because je suis bouddhiste. Okay, because he's a Buddhist. Yeah. Now, pay attention. When we talk about religions, we don't use an article. No. So we say, je suis bouddhiste, je suis chrétien. The same way we do with professions. We do the same thing with religion. Same way, yeah. So she's kind of like, well, fine. If you're not going to écraser the araignée or tuer the araignée. Fais quelque chose. Do something. Yeah. Fais quelque chose. Don't leave me like this. Listen, what's his solution then? Because he can't tuer l'araignée because for him it's an être vivant. And also in his opinion, it's a pauvre petite bête inoffensive. So what's he gonna do? Je l'attrape. Okay, let's stop there. Attraper is the verb to catch. Yeah. Grab it, attraper. So je l'attrape. What's the L sound for? Still la petite araignée. So je l'attrape et what? Je la mets dehors. This expression, mettre dehors, like, you know, we put something outside, but you can use this expression, je te mets dehors. Yeah. I'm mm-hmm. gonna kick you out. Yeah. I'm putting you outside. Je te mets dehors. Yeah, I don't want to see you anymore. Get out of my face. Yeah. But it can be nice here. Je la mets dehors. Nicely, gently. Yeah. Cette pauvre petite bête. Yeah, it depends on the way you say it. Okay. So, I think we should listen to the dialogue 3 more times. Sure. Uh-oh. It's not working. I'm already fait quelque chose. Okay, hold on. I'll take care of it. Let me just press the button. Dialogue, première écoute. Il y a une araignée dans la chambre! Tu l'as! Cette pauvre bête inoffensive! Jamais! Elle est dégoûtante! Écrase-la! Je ne vais pas tuer un être vivant! Je suis bouddhiste! Fais quelque chose! Bon, d'accord, je l'attrape et je la mets dehors. Dialogue, deuxième écoute. Il y a une araignée dans la chambre! Tu l'as! Cette pauvre bête inoffensive? Jamais! Elle est dégoûtante! Écrase-la! Je ne vais pas tuer un être vivant! Je suis bouddhiste! Mmh. Fais quelque chose! Bon, d'accord, je l'attrape et je la mets dehors. Dialogue, troisième écoute. Ah! Y a une araignée dans la chambre! Tu l'as! Cette pauvre bête inoffensive? Jamais! Elle est dégoûtante! Écrase-la! Je ne vais pas tuer un être vivant, je suis bouddhiste. Fais quelque chose! Bon, d'accord, je l'attrape et je la mets dehors. Okay, we're back. Now, what I'm gonna do is I'm gonna reenact this, but don't tell Amory because I want him to think there really is une araignée, okay? Hey, Amory. Yeah? Il y a une araignée dans la chambre over there. Quoi? Where? No. Okay, fais quelque chose. What's the big whoop? C'est une pauvre petite bête. Elle est dégoûtante. Elle est inoffensive, Amory. Don't be a wuss. Tue-la. Écrase-la. Jamais. Je ne vais pas tuer un être vivant. Unless it's like a shark or something. Mais fais quelque chose, alors. Ok, gosh. Bon. Je l'attrape. Et je le mets dehors, ok? Sure? Yeah, I'll do it. Just relax. Uh-huh. Last time you said that, you didn't do it. Hey, Amory. Okay, so if you have any questions about this lesson, come to frenchpod.com. You can ask us, and there are other things you can do there too. Hey, Amory. Right. You have an araignée on your shoulder. Ouais. Okay, Rika. I think it's enough. I see your game now. Je te mets dehors. Really? Oh, I was just having some fun. Dehors, Erika. Okay, au revoir. Salut.